Oh Gédéon, eh, bienvenue sur East of Soldier. Hip Hop Soldier. Bienvenue. Hip Hop Soldier. Vers sa majesté pour vous. Négro. Négro, j'ai des crocs. J'ai des crocs. Du micro. Du micro. J'suis accro. J'suis accro. Négro. Négro, j'ai des crocs. Tout le monde. Au micro. Je suis synchro, négro. J'ai comme le PSG qui a envie de gagner. Mais pour l'instant j'ai envie de manger, m'épargner. En boîte chez moi je traîne avec des étrangers, ma mère. Mais pour l'instant j'ai la haine et je traîne avec les mêmes dégaines, négro. J'ai des crocs, t'as les crocs. Du migro, du micro. Du agro, du agro. Négro. Ma gueule. J'ai des gros, ouais, ma gueule. Au micro, j'suis un gros. Écoute ça. Hip Hop Soldier va arriver auprès de chez toi, négro. Mais t'inquiète pas, c'est danger, tu le sais, négro. Le ghetto en place une pour les rêves, slève tôt. Mais t'inquiète pas, moi je traîne pas avec des mines, négro. J'ai des gros, t'as des gros. Du micro, du micro. J'suis agro, j'suis agro, négro, tu le sais comment. J'ai des gros, toi-même tu sais. Du migro, j'suis un gros, tout le monde. Négro, et tu connais. J'ai des gros, même c'est. Du migro, on s'en bat. J'suis agro, 93, négro, tout cela suffit. J'ai des gros, Nasme. Du migro, Rino, j'suis agro. Tu connais le blast quand j'impose, j'impose, niggas. Tu connais, le blast quand j'm'impose. Et tu connais le blast au micro, négro. Au micro, négro. Tu connais le blast. Hip Hop Soldier, ma mère. Hip Hop Soldier, ma mère. Tout ça, c'est pâteuse. Et tu le sais. Akaï la machine. Te speak Gonzalez. Tu connais. L'Ursa Major. Prédistis. Et lui, mon frère, tu connais. Mon pote Yoda. Tu